Mosaïque. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission sur Isanganiro. Le président de la République se montre déçu de la mauvaise exécution des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Mhanda, situé dans la réserve naturelle de la Kibira. C'est dans la province de Bubanza, au nord-ouest du Burundi. Presque toutes les constructions érigées sur le site affichent déjà des fissures avant la fin des travaux, alors que 60% des fonds, soit une somme de 54 milliards sur les 85 milliards de francs burundais prévus au départ, sont déjà décaissés. Les travaux qui avaient débuté en 2011 sont suspendus en 2015, donc 4 ans après. 10,4 MW étaient attendus à la fin des travaux. Le débat mosaïque va porter aujourd'hui sur l'attribution des marchés publics et l'exécution des travaux, précisément sur ce cas du barrage hydroélectrique de Mhanda. Quelles sont les responsabilités? Comment recouvrer les fonds perdus? Quel espoir par rapport à la reprise des travaux, avec quelle assurance et bien d'autres interrogations. Le numéro 1 burundais avait en effet exigé que lumière soit faite sur ce dossier. Nous sommes avec nous sur le plateau trois invités. Francis Lohero, économiste de formation, vous êtes aussi un des anciens candidats à la présidentielle de 2020. Bonjour et bienvenue, Monsieur Francis Lohero. Bonjour et je salue tous les auditeurs et téléspectateurs. Je salue également les invités qui sont avec moi. Merci. Faustin Ndikumana, économiste de formation également, activiste des droits de l'homme. Vous êtes le directeur national de l'ONG PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités. Bonjour et bienvenue, Monsieur Faustin. Bonjour, merci de nous avoir invités pour traiter un sujet aussi important. Honorable Pamphile Maraïka, député de l'Assemblée nationale, ingénieur civil, vous avez été élu au nom du parti CNL, Congrès national pour la liberté. Vous vous intéressez aussi à des questions économiques. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, bonjour et merci de m'avoir invité. Et le directeur général de l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, avait promis de participer à ce débat. Il n'est pas finalement venu, malheureusement. François Akimana, Berthier Mugiraneza, Isne Bariko et Désiré Nkurunziza assurent la mise en onde. Réalisation d'Alain Désiré Bukeneza et au micro, Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour. Et bienvenue à cette émission. Isanganiro. Nous ouvrons ce débat mosaïque par cet extrait du président de la République, Évariste Ndayishimiye, lors de sa visite sur le site où l'on était en train d'ériger le barrage hydroélectrique de Mhanda le 15 octobre 2021. Il est traduit en français par notre confrère Charles Makoto. Nakamara Maza. C'est une honte. Moi aussi, j'ai honte en tant que président de la République. Se rendre compte qu'une somme de 54 milliards est sortie des caisses de l'État et que vous avez perdu toute trace, c'est vraiment une honte. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que nous allons toujours demander des comptes par rapport à cet argent. Deuxièmement, nous n'allons pas mettre aux oubliettes les projets auxquels il était alloué et on doit trouver la trace de notre argent. Donc, je vais prendre une décision. Heureusement, le ministre est avec nous. D'ici des semaines, je te demande de m'apporter une liste de toutes personnes qui ont fait part à ce projet. Faites le total de tout ce qui a été endommagé, de telle sorte qu'une fois que nous allons recommencer, nous ayons quelque chose de concret à présenter à ceux qui vont prendre le relais. Ceci pour que nous sachions le montant que nous allons demander au premier. Mais par exemple, ces maisons, vous voyez qu'ils ont été construits sur le sable, ils ne sont pas durables. C'est-à-dire que les représentants de l'État et les constructeurs se sont partagés l'argent, car la corruption voit les yeux et te ramène loin du droit chemin. C'est-à-dire que ceux qui dirigeaient le pays en ce temps-là avaient les yeux voilés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient voilés? C'est-à-dire qu'il y a eu un fait pour que cela soit ainsi et que les décisions ne soient plus justes. Permettez que l'on pose la première question à vous. Faustin Ndikumana, directeur national de l'ONG PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Que dire de cette réaction du président de la République devant les travaux sur le site de Mhanda? C'est une réaction normale pour un président de la République qui va évaluer les travaux, l'exécution des travaux, surtout liés au décaissement des fonds publics et liés à l'exécution des marchés publics attribués. C'est dans son rôle de vérifier, de faire un suivi régulier au niveau... C'est un suivi politique, certes. Ce n'est pas un suivi aussi technique qu'elle offre. Suivi politique ? Oui, je sais ce que j'ai dit. C'est un suivi politique, ce n'est pas un suivi qu'elle offre. Par exemple, une maison de surveillance d'exécution technique qui peut voir si tout ce qui est en train d'être fait l'est de façon anormale. Et je dois dire que ça rentre dans ces activités de routine. C'est tout à fait compréhensible qu'il affiche une certaine, donc un certain courroux par rapport à l'état derrière de ce qui est en train d'être fait. Il s'est montré déçu et il s'est montré vraiment un peu, je dirais, sidéré par la situation. Et c'est tout à fait normal. Et peut-être il faudrait savoir l'état concret, la façon dont il a trouvé la situation. Mais tel que moi aussi je l'ai vu, si j'étais à ma place, ma réaction serait la même, voire même plus. Et le sort qui aurait été réservé aux coupables? Naturellement, il y a des entités indépendantes qui doivent normalement se saisir de la question, faire des enquêtes indépendantes, voir l'exécution du marché depuis le lancement du DAO, du dossier d'appel d'offres, tout le processus, il faut l'analyser et pour établir les responsabilités. Et immédiatement, il faut que des mesures soient prises, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau pénal. Si le dossier présente des indices sérieux, culpabilité, le dossier doit devenir pénal. Là, peut-être on va y arriver, mais il y a les travaux qui commencent en 2011. 4 ans après, 2015, c'est stoppé parce qu'il y a probablement un constat de corruption. Il y a eu un espoir en 2018 que les travaux pouvaient reprendre, mais jusqu'ici, rien n'a continué comme travaux depuis 2015. Alors que le barrage aurait eu une capacité de production, donc 10,4 mégawatts. C'est une perte pour la nation, n'est-ce pas? D'abord, les travaux démarrent dans quel contexte? C'est dans un contexte assez délicat où le pays continue à afficher un déficit au niveau de l'énergie. 2011. Depuis un certain temps, le déficit de l'énergie au Burundi, c'est l'une des entraves du développement socio-économique, du développement du secteur privé, des investissements de tous bords. Donc, à l'époque, on commençait à parler Mujinji Murembwe depuis 2007, quand on élaborait le premier CCRP, le premier cadre d'intégration de lutte contre la pauvreté. On parlait de parade Jiji Murembwe et Kabuseze pour parler à ce problème, pour faire solution à ce problème de façon définitive. Alors, les travaux se font parler, mais jusqu'à maintenant, aucun barrage. Nous venons de passer plus de 15 ans sans qu'aucun barrage puisse terminer pour commencer à disponibiliser, à alimenter, donc disponibiliser l'électricité. Et le barrage, ça devrait prendre combien de temps? Alors que le barrage le plus maintenant, mais le barrage de Gwegura, je me souviens sur Bagaza, le barrage de Gwegura, les travaux commencent en 1983, Bagaza inaugure ça en 1986. Trois ans. C'est le barrage, donc le plus important dont dispose le Burundi aujourd'hui. Les travaux commencent en 83. Le président de la République de l'époque inaugure en 1986. Je me souviens même de l'événement qui était un événement à l'époque. Comparaison, donc, je ne sais pas si... Si on passe de 2006, si c'était parler des barrages, on arrive en 2021... Barrage, et c'est dramatique. Barrage, nous parlons de barrage, Francis Lohiero, ancien candidat à la présidentielle de 2020. Barrage, hydroélectrique de Mahanda. Votre point de vue par rapport à cette réaction du président de la République sur le site de Mahanda? Merci, je crois que dans le même cadre d'idées, d'abord, c'est une réaction normale du président de la République. Qu'il soit déçu, je trouve ça normal. Mais par contre, je ne trouve pas normal le fait que sa déception la mette en face du peuple, comme si ce que nous attendions nécessairement c'était sa déception. Il y a seulement environ moins de 18 mois, le président s'est présenté aux élections. Je suppose qu'il savait bien la situation de certaines choses dans le pays. Beaucoup de choses dans ce pays ont été faites, soit positivement ou négativement. Il y a des choses qui maintenant vont mieux ou ne vont pas mieux. C'est-à-dire que pour moi, le président de la République, avant d'entrer dans ses fonctions, il savait très bien ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Ça ne devrait donc pas le surprendre, outre mesure, sauf si on entre dans ce que je pourrais appeler un discours populiste, une façon de vouloir nous dire, nous tous, que c'est décevant, alors que, on le sait, ça fait depuis 15 ans qu'on attend une amélioration en matière énergétique. Alors, c'est pour cela que je peux dire, comme première réaction, pour moi, je ne voudrais pas être sérieusement intéressé par cette déception, mais moi, je m'attendais plutôt à ce qu'on vienne parler de lui, de son programme, parce qu'il devrait plutôt nous amener des solutions. Les Burundais ont élu un président en 2020 qui pourrait avoir des solutions par rapport à des difficultés. Donc ce qui devrait nous importer pour l'instant, c'est des solutions qu'il a. Et j'ai l'impression que nous nous habituons petit à petit à ce genre de réaction. Vous condamnez des personnes qui ont fait des choses, mais au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, la réaction devient quelque chose d'ordinaire. On oublie. Mais en réalité, on devrait maintenant parler des solutions. Qu'est-ce qu'il préconise? Qu'est-ce que le président pense de l'énergie au Burundi? Combien il a prévu pour investir dans ce cadre pour que le Burundi puisse avoir de l'énergie? C'est comme si, dans ce discours qu'on vient d'entendre, il a parlé de comment il va traîner, si je peux dire ainsi, les coupables. Ce n'est pas tellement si intéressant que ça pour la population burundaise aujourd'hui de 12 millions d'habitants qui a besoin de l'énergie. C'est le rôle de la justice. Il faut recouvrer les fonds perdus, oui. Il faut punir les coupables. Je le sais, c'est le rôle de la justice. La justice peut le faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Ça peut traîner, mais entre-temps, on aura besoin de l'énergie. Et je crois que c'est ça son rôle. Le président, son premier rôle, c'est d'amener des solutions. Ce n'est pas de nous dire comment la justice va fonctionner pour traquer des accusateurs. Vous supposez que... Il devrait savoir ce qui se produit, la situation qui prévaut dans ces affaires, marché public, attribution des marchés publics, exécution des travaux. Vous avez été candidat à la présidentielle en 2020. Est-ce que vous saviez quelque chose à propos? Oui, justement, il faudrait qu'on reconsulte parce que c'est dommage que les programmes des candidats, à un moment donné, sont comme des papiers qu'on jette après les élections. En réalité, même les journalistes, aujourd'hui, vous devriez... tourner les pages, rappeler qu'est-ce que le président a dit à propos. Des fois, on n'y donne pas tellement d'importance. On devrait savoir qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à l'énergie au Burundi. Et on devrait savoir. Et il ne devrait pas, à mon humble avis, nous dire qu'il est déçu. C'est une situation qu'il connaissait avant les élections. Cette situation ne vient pas de nous tomber déçus aujourd'hui. C'est une situation qui dure depuis 10 ans. Ça fait de 2011 à 2021. C'est-à-dire qu'un acteur avisé doit le savoir. Moi et n'importe qui. Il y a beaucoup de Burundais qui ne se sont pas fait élire, mais qui savent exactement ce que signifie la situation de l'énergie au Burundi. Donc, je crois que le président devrait le savoir. Il ne devrait même pas être déçu ou le signifier à haute voix. Au contraire, il devrait nous dire « Je sais la situation et je vous amène la solution ». C'est ça qu'on attend le plus urgentement. Honorable Pamphile Malaika, vous intéressez à des questions économiques et le discours du président... Donc, il se montre déçu, vous l'avez bien entendu. Et votre réaction, c'est comment? C'est normal que son Excellence le Président de la République se rende sur le terrain et qu'il soit vraiment surpris par la mauvaise exécution de l'ouvrage. Parce que normalement, dans les marchés publics, c'est le gouvernement qui est appelé maître d'ouvrage via le ministère des Finances. Alors, le Président de la République étant... le chef du gouvernement étant le commandant suprême, c'est lui normalement qui devrait être à la tête du maître d'ouvrage. Quand le maître d'ouvrage dépense de l'argent, il s'attend 85 milliards de francs burundais qui étaient prévus, c'est doit, pas rien. Il doit s'attendre à un travail de qualité dans les délais. Il y a ce qu'on appelle le CQE, il y a les délais, il y a la qualité et le coût. Ça fait 3 choses qui interviennent dans la réalisation des projets de marché public. Alors, quand il trouve que les travaux ont été mal exécutés, alors qu'on a décaissé de l'argent, tant qu'on demandait, tant qu'on établissait des factures et qu'on payait régulièrement, c'est très étonnant. Et je pense qu'à partir de là, il faut d'ailleurs qu'on change de système de travail. Il faut payer le réellement réalisé. Donc, il faut payer sur les prestations. Donc vous voulez dire les 54 milliards qui ont été décaissés n'ont pas été payés sur les réalisations. Normalement, pour une bonne exécution des travaux, il faut payer sur prestation. Donc, payer le réellement exécuté. Les entreprises burundaises ont souvent l'habitude de demander des avances de démarrage. Pourquoi demander cette avance de démarrage alors que tu n'as pas encore travaillé? Mais d'un autre côté, pourquoi demander des avances? Mais d'un autre côté, pourquoi donner ces avances? Et c'est ça, ce qui est très étonnant. Bon, ça dépend peut-être de la conception du dossier d'IDEAO ou la conception de son marché. Mais pour plus de couverture, il faut payer les travaux déjà réalisés. Sinon, on a constaté de par le passé qu'il y a beaucoup de projets qui ont échoué, alors que les avances ont été bousillées. Et au finish, on trouve que c'est de l'argent jeté à travers la fenêtre. Et à travers tout ça, c'est à vous entendre, il y a corruption, honorable Malaïque. Bon, même le président de la République a parlé de la corruption. Si la situation se présente telle qu'elle est, en tout cas, il y a un hitch. Une situation ne peut pas se produire comme ça sans qu'il y ait quelque chose sous table. On a dit qu'à un certain moment, le ministre qui était chargé de l'énergie s'est rendu sur le terrain. Il a dit que les travaux avancent normalement, qu'on respecte les délais. Mais c'est ça le paradoxe. En tout cas, si les photos que nous avons vues à travers les réseaux sociaux, à la télévision, si les photos sont réelles, vraiment, excusez du terme, c'est catastrophique. Et au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes ingénieur civil de formation, mais aussi vous êtes député de l'Assemblée nationale. Vous assurez le suivi par rapport à l'action du gouvernement. Et est-ce que le barrage de hydroélectrique de Manda, ça ne vous a rien dit? Ou bien vous n'avez pas été au courant? Et on était au courant, mais la situation telle qu'elle a été présentée, on n'était pas au courant d'une telle situation. Mais quand même, il faut féliciter le gouvernement du fait que le parc énergétique burundais, qu'on projetait en 2020, était de 560 MW, y compris effectivement ce barrage de Manda de 10,4 MW. Et à côté, il y a les centrales de Kabou 16, Kaburanwa, Jiji Mulembwe, Luzibazi, Kagulunzi, Luvironza, Lusombe, etc. Donc, alors, si, comme Foster le disait, si ces projets étaient réellement réalisés dans les délais, en tout cas pour le moment, on n'aurait plus de problèmes de délestage, on n'aurait plus vraiment de problèmes en rapport avec l'énergie. Foster Ndikumana, je vais devoir revenir vers vous. On parlait de corruption. Qui, selon vous, est corrupteur, qui est corrompu dans ce dossier? Bon, d'abord, ce dossier, il faut l'analyser sous deux aspects. Le premier aspect, c'est la stratégie globale du gouvernement en matière énergétique. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour trouver solutions, pour des solutions concrètes et idoines aux défis liés à l'énergie? Il y a la mobilisation des fonds, c'est tout à fait normal. Mais aussi, il y a l'aspect gestion. Cet aspect gouvernance. La gouvernance, la gestion, la corruption, et c'est un élément très fondamental aujourd'hui. Et parce que ce que j'ai déjà constaté, il y a des rapports, beaucoup de rapports de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, qui viennent de prouver que les pays qui sont en train de s'assurer une émergence économique, les pays qui sont en train de décoller, de faire un décollage économique, ce ne sont pas des pays très nantis à ressources naturelles, très nantis à un financement obtenu, mais les pays qui savent gérer bien le pays qu'ils ont. Donc la bonne gouvernance, c'est un élément fondamental. Aujourd'hui, alors, on veut de faire une analyse succincte des projets qui démarrent en 2007 et on arrive en 2021. Aucun projet n'a jamais pris fin. C'est tout à fait anormal. Le déficit énergétique continue à s'afficher avec acuité, à entraver vraiment le décollage économique de notre pays. Le récent projet donc de barrage de Manda, il y a un barrage Kadje qui est très récemment ici à Bouaza même, et ça montre qu'au Burundi, la problématique de gouvernance, de la corruption, c'est vraiment une question, un défi essentiel que tout gouvernement, tout candidat potentiel doit s'attaquer. En dehors de ça, le Burundi ne peut jamais décoller si le défi de gouvernance, le défi lié à la corruption, ne sont pas vraiment pris en compte de façon sérieuse. Dire qui est corrompu, qui est... Non. Quand on dit corruption, la corruption doit impliquer les fonctionnaires de l'État, les hauts fonctionnaires de l'État, parce que les fonds appartiennent à qui? C'est l'État, c'est de l'argent public, c'est l'argent du contribuable. Il y a les ministères de tutelle, il y a les ministères des finances qui doivent débourser tout cela, c'est le gouvernement. Quant aux sociétés, ce sont des sociétés qui ont gagné le marché. Donc la société CNN, CGC, il y a une société de surveillance, ce sont des multinationales. Naturellement, ces multinationales, quand ces multinationales arrivent dans un pays, ils constatent un dysfonctionnement institutionnel, ils constatent des institutions beaucoup plus inclines à la corruption, des fonctionnaires véreux qui ne se soucient pas de l'intérêt général, ils viennent, ils sont la coule douce et... Ils peuvent faire du n'importe quoi, soi-disant que même la poursuite judiciaire sera même portée au 40 degrés. Ça veut dire que tout se joue au niveau de la capacité institutionnelle, la capacité de nos institutions à pouvoir gérer de façon efficiente l'argent du contribuable, à se soucier de l'importance de la gouvernance dans la gestion des fonds du contribuable. Sinon, pourquoi le système actuel paralyse les autres institutions indépendantes? Très récemment, je l'ai mentionné dans ma conférence de presse. Tout ce qui se fait aujourd'hui, en termes de corruption, de gouvernance, on se demande où sont les institutions, donc les institutions indépendantes qui doivent jouer leur rôle. Qu'est-ce que vous voulez dire par institution indépendante? Normalement, annuellement, il y a des institutions non indépendantes. Il y a des institutions qui doivent, au niveau légal, qui sont indépendantes. Par exemple, il y a l'inspection générale de l'État, il y a la Cour des comptes, il y a les commissions parlementaires. Même l'ombudsman au cas échéant. Vous avez entendu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. L'ombudsman doit enquêter sur les cas de corruption, de faute de gestion. Quel devrait être finalement leur rôle dans cette affaire? Leur rôle, c'est de produire des rapports annuels qui commencent. Ces rapports commenceraient à alerter l'opinion sur d'éventuels cas de dérapage au niveau de la gestion des fonds publics. Mais ça ne se fait pas. On a toujours eu tendance à constater après coup, au lieu de faire des balises, au lieu de prendre des stratégies à temps pour que la situation ne dégénère pas jusqu'à un niveau aussi inquiétant. Des institutions comme l'autorité de régulation des marchés publics, la direction nationale des marchés publics, tout cela sont des institutions qui devaient avoir la capacité de garder un œil vigilant, ne fût-ce qu'alerter par exemple le président à temps. Au lieu de constater ça après avoir déboursé plus de 54 milliards, pourquoi les signaux, pourquoi on n'avait pas alerté dès le début, dire que la situation commence à prendre et dérapage. Donc je crois que quelque part... Est-ce que vous n'espérez pas que ces institutions se seraient impliquées pour savoir la véracité de la vraie situation de la chose? Sont paralysées actuellement. Je l'ai même mentionné. On ne sait pas... Est-ce que leurs rapports doivent être publics? La Cour des comptes, en principe. La Cour des comptes, par exemple. Les rapports doivent être publics parce que... Et ces institutions contrôlent l'argent public, l'argent du contribuable. Ces institutions étaient mises en place pour justement jouer ce rôle. Aider le président à prendre des mesures à temps, à prendre des mesures correctives à temps. Et même les commissions parlementaires devaient enquêter. Les commissions parlementaires doivent enquêter. Les institutions de lutte contre la corruption doivent s'auto-saisir. Même des questions avant même que le pouvoir exécutif n'arrête pas. Monsieur Faustin, vous allez finalement vous former en accusateur. Je dis la situation telle qu'elle est. Il y a vraiment un fonctionnement institutionnel au niveau de la gouvernance. Oui. Francis Lohiro, j'allais vous poser cette question. Qui serait responsable de quoi dans ces procédures? Passation du marché, exécution des travaux. Lesquels travaux n'ont finalement pas abouti? Ici, par exemple, nous sommes en train de débattre sur la réaction d'un président de la République. Oui. C'est-à-dire que nous n'avons pas en réalité la situation, économiquement parlant, des preuves que la situation est telle qu'il a signifiée. Alors, dire qu'on va accuser, chercher des gens à poursuivre, j'ai dit, ce n'est pas le rôle de ce plateau. Il y a des procédures, comme il l'a dit, il y a des procédures, il y a des institutions qui doivent travailler dans ce sens et qui ont le droit de donner au peuple burundais la situation telle que... Rendre publique la vraie situation de la chose. Et cela rentrera dans le cadre ordinaire des poursuites qui sont faites par des gens habilités et non pas par, entre guillemets, des possibles parleurs sur un plateau quelconque. Donc c'est pour cela que je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain à vouloir accuser ou chercher des boucs émissaires, ainsi de suite. Mais je crois que je reviens toujours là, me rendre compte des réactions du président de la République, qui très souvent nous a montré qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Il a mis même des fois en marge les noms des individus, ce qui est une bonne chose. À un moment donné, on dirait qu'il est un opposant dans son propre gouvernement parce qu'il prend parti des personnes qui lui-même, à qui il a donné des responsabilités, des personnes qui sont exposées à la face du peuple et qui, en réalité, on ne saura pas ce qui va advenir le moment venu. C'est pour cela que je dis qu'il est de notre devoir d'essayer de donner des contributions au gouvernement et en l'occurrence au président lui-même qui fasse confiance en son peuple en lui disant à haute voix ce qui lui fait mal. Je trouve que c'est bien avoir un président qui ose dire ce qui ne va pas dans son propre gouvernement. C'est une bonne chose. Et je dirais, dans mon entendement, il faudrait plutôt ne pas s'éterniser sur les gens qui travaillent mal. Il faut plutôt maintenant qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui va bien? Parce que moi, je ne voudrais pas attirer tellement l'attention sur le fait qu'on va souffrir énergétiquement dans l'avenir. Il a dit, notre ami honorable, on s'attendait à ce que 2020 couronne le Burundi avec plus de 500 mégawatts, qu'on soit dans une autosuffisance énergétique. 500 mégawatts en 2020, c'est-à-dire que... Hein? La projection, c'était 560. 560 en 2020. À partir de quel barrage? De plusieurs barrages. Est-ce que vous avez la liste? Je ne sais pas. Est-ce que le barrage hydroélectrique de Mhanda, dont nous sommes en train de parler pour le Capri, le barrage figurait dedans. C'est quel barrage? Si vous permettez, je peux vous donner la liste. Donc, il y a la centrale hydroélectrique de Mhanda, 10,4 mégawatts. Qui allait être produite en 2020. Oui. Horizon 2020. Horizon 2020. Il y a la centrale de Kabou 16, c'est la rivière de Kabouranoa, 20 mégawatts. 20. Oui. Centrale de Jiji, Mulemge. Donc c'est 32 plus 19 mégawatts, c'est autour de 50 mégawatts. Il y a Ruzibazi, 17. Kagunuzi, 8. Ruvironza, 22. Rusumo, 27. Ruzizi, 3, 49. Centrale thermique à base de déchets ménagers, 30 mégawatts. Il y en a d'autres. En tout cas, la projection était de 560. Horizon 2020. Voilà. Alors, pour le moment, on ne sait pas où on en arrive. Jusqu'ici, est-ce qu'on va dire que rien n'a été produit? C'est parmi les 560 mégawatts qui étaient projetés. Donc, comme Foster le disait, est-ce que parmi ces barrages qui sont déjà terminés, on dit que tout... Les barrages sont en cours de construction, presque. Alors on se demande quand on va terminer ces barrages. On espère que peut-être d'ici peu, il y en a qui vont être terminés. Quand est-ce qu'on va terminer? Mais il y a le barrage hydroélectrique de Mhanda dont les travaux risquent de reprendre à zéro. Visiblement. Je répète que si les photos qu'on a montrées se présentent, la réalité est telle qu'elle est. En tout cas, on voit qu'on risque de commencer à zéro. Et les 54 millions, milliards seront perdus. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je tiens à rappeler que l'émission Mosaïque est portée sur l'attribution et l'exécution des marchés publics, avec un accent particulier aujourd'hui sur les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Mhanda en province de Bubanza, lesquels travaux ont déçu le président de la République, lors de sa visite sur le lieu le 15 octobre 2021. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Pamphile Maraïka, député de l'Assemblée nationale, élu au nom du parti CNL, et qui s'intéresse également aux questions économiques. Il y a Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, économiste de formation. Et il y a Francis Rohiro, économiste de formation également. C'est aussi un des anciens candidats à la présidentielle de 2020. Micro toujours à vous, honorable Pamphile Maraïka. Comment recouvrer finalement les 54 milliards de francs burundais qui sont déjà décaissés jusqu'en 2015 pour ce projet barrage hydroélectrique d'Omana? Bon, permettez-moi un tout petit peu de revenir sur la corruption qu'on était en train d'évoquer dans quelques instants. Quand même, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour mettre en place les institutions de lutter contre la corruption. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on avait un ministère de bonne gouvernance. Comme vient de le dire Foster, il y a l'Ombudsman, il y a aussi la Cour des comptes, il y avait la brigade anticorruption, la cour anticorruption. Actuellement, il y a l'autorité de régulation des marchés publics. C'est une autorité aussi qui doit contribuer sensiblement à la lutte contre la corruption. Le directeur général de cette institution n'est finalement pas venu alors que nous l'avions invité pour ce débat. C'est dommage. Aussi, si l'information est sûre, il faut aussi vraiment remercier le gouvernement d'avoir mis en place ce qu'on appelle la cellule nationale de l'enseignement financier. Foster est économiste, je pense qu'il comprend rapidement cette cellule. Cellule nationale de l'enseignement financier. Moi, j'ai vu qu'il y a un décret numéro 100/044 du 16 mars 2020 qui porte création, mission, organisation et fonctionnement de la CNRF. Ça, vraiment, c'est salutaire parce que c'est une cellule, normalement, qui doit se renseigner sur les mouvements et le mouvement des opérations bancaires dans les banques. Et des fois, si on dépasse 20 millions, on doit suivre la provenance, on doit suivre les sources, etc. En tout cas, on avait traîné de mettre en place ça, et c'est salutaire d'avoir mis cette cellule. Mettre en place des institutions, c'est une chose, mais les hommes qui doivent occuper ces institutions, c'est ça. C'est là où réside l'os. Les hommes, on a ces institutions, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous dites que les hommes, la qualité des hommes qu'on met en place, est-ce que vraiment ce sont des hommes qu'il faut? Est-ce qu'ils travaillent réellement pour l'intérêt du pays? C'est ça le grand problème. Et l'autre question cruciale, c'est la loi. La loi qui est chargée de lutter contre la corruption, que je considère comme la fondation. La loi est chargée de lutter contre la corruption. Mais les lois, vous les votez, vous savez les lacunes que ça comporte, si lacunes il y a. Mais la loi qui ça date de, je pense, de 2008. Ça date de 2008. Donc, on ne cesse de crier, oh, il faut quand même que la loi soit révisée. Au niveau du plan d'action annuel du gouvernement, c'est visible que, par exemple, au niveau des minerais, on va réviser le code minier. Ça, c'est aussi salutaire. Même si on a traîné, parce qu'on a crié aussi depuis longtemps que le code soit modifié ou révisé. Et on est tenté de projeter la révision dans les jours à venir. Il fallait aussi que la loi qui régit, donc qui lutte contre la corruption, soit aussi révisée. Vous imaginez l'article 70 en rapport avec la déclaration du patrimoine. Vous n'avez pas déclaré. On demande à ce que chaque dignitaire déclare ses biens quand il entre en fonction et même quand il sort. Est-ce que l'honorable Pamphile Maraïka, en tant que député de l'Assemblée nationale, a déclaré ses biens? Moi, je ne suis pas le président de l'Assemblée nationale, bien, je n'occupe pas le bureau, parce que là, cette loi considère ce sont les trois qui sont visés. Alors, on dit qu'il faut déclarer le patrimoine. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Mais rien n'est prévu quand on ne le fait pas. Rien n'est prévu. Et ça, c'est la première lacune parmi d'autres que je peux donner pour le moment. Et je pense que vraiment, il faut quand même que, au niveau des bases légales, entre la personne concernée et les magistrats de la Cour suprême, Oui. Alors, il faut quand même que les bases légales soient aussi solides. Il faut que, par exemple, les efforts qu'on a fournis au niveau de l'OBL, quand on a supprimé les fausses factures, et qu'on a remplacé le facteur par les factures type, les factures de l'OBR, on a quand même éjugulé le problème de fausse facturation et on a eu beaucoup d'impact positif au niveau des recettes. Il faut que ces détails-là aussi soient intégrés dans la loi qui est chargée de lutter contre la. Et je posais cette question précise. Comment recouvrer les 54 milliards de francs burundais déjà décaissés pour ce projet barrage hydroélectrique de Manda? Bon, là, franchement, je ne vois pas comment on va recouvrer cet argent. D'autant plus qu'on a décaissé régulièrement. Et seulement qu'il y a des PV, on a payé l'argent sur des travaux dans le temps qui était visiblement bien réalisé. Mais on nous dit que pour le moment, on a construit sur un sol gonflant, alors qu'il n'y a pas de sol sur lequel on ne peut pas construire. Il faut faire des tests appropriés. On a le laboratoire national du bâtiment des travaux publics qui est là pour faire ces tests. Même si l'entreprise doit posséder aussi ce laboratoire, mais l'État aussi doit posséder un laboratoire avec un équipement adéquat et aussi un personnel suffisamment outillé. Alors, je ne vois pas vraiment comment on va recouvrir cet argent. Faustin, est-ce que vous voyez comment ces fonds peuvent être recouvrés? D'abord, il faut identifier les étapes. Est-ce que c'est à abandonner comme ça? Il faut identifier les étapes à travers lesquelles la corruption peut être instituée au niveau du procédure passant des marchés publics. La corruption peut être observée au moins même du choix de celui qui va exécuter les travaux. La corruption peut être observée au niveau de l'exécution des travaux. Donc, au niveau du choix, la qualité, la capacité technique de l'exécutant, au niveau de l'exécution, la surveillance, et tout ce qui doit être fait comme surveillance des travaux, alors, on peut corrompre la société de surveillance, de fermer les yeux devant certaines, je dirais, fautes d'exécution, donc fermer les yeux, et on peut même observer la condition de la réception, quelqu'un qui reçoit les travaux, il accepte, il donne la bonne fin des travaux, alors que les travaux n'ont pas été bien exécutés. Donc, la corruption peut être observée à toutes ces étapes. Je crois que quelque part, ça dépend aussi du contenu du contrat. Si quelque part, on décèle des insuffisances au niveau de l'exécution, si la société contractante, si la société qui a bénéficié au marché peut rembourser des fois suite à la mauvaise exécution, des fois, là, c'est un cas au niveau judiciaire qui peut être vérifié. Mais aussi les responsables publics. En tout cas, pour ce cas précis, il y a cette corruption, la mauvaise exécution des travaux ont été constatés avant la fin des travaux, avant la réception. Ça a été causé, ça veut dire que ça a été mal exécuté. Comment est-ce qu'une société de surveillance peut avoir avalisé un décaissement jusqu'à 50, à 60%, alors que les travaux avaient été exécutés avec d'autres insuffisances? C'est déjà c'est ça l'odeur même de la corruption. La corruption, il faut analyser tout le dossier dans son ensemble. Mais comme il y a des hauts fonctionnaires verrés qui peut-être seraient impliqués au niveau national, c'est là alors où des responsabilités doivent être établies. Si une fois il est avéré qu'ils ont tremblé dans cette mauvaise exécution de travaux, les sanctions administratives sont prises, les sanctions pénales sont prises, jusqu'à même au recouvrement des biens. C'est là où j'en viens, mais là qu'on parle de la déclaration du patrimoine. S'il y a les biens qui doivent être saisis, peut-être ça ne pourrait pas se faire au niveau de 54 milliards, mais tout le peu qui peut être recouvré en saisissant même des biens des gens qui seraient impliqués dans cette affaire. Ça aussi, c'est permis parce que vous participez dans nos appels d'offres. Les responsabilités sont établies, vous êtes impliqués. Il faut répondre devant la loi. Il faut que cette situation se fasse normalement dans un contexte d'institutions fortes, indépendantes, qui peuvent agir correctement et suffisamment. Une justice qui peut s'autosaisir des dossiers sans toutefois attendre l'orientation de l'exécutif. Par exemple, le président de la République, ce jour-là, il a dit, je demande au ministre de l'Énergie et Mines de me faire rapport. Dans notre cas, ce n'est pas le ministre de l'Énergie et Mines, c'est lui qui doit donner rapport. Il y a des institutions qui doivent s'autosaisir. Il a donné 2 semaines, ce jour-là. La justice, dit qu'il peut s'autosaisir de cette situation. C'est une institution indépendante de la justice. Quand il a donné un message faux aux magistrats, qu'ils sont dans l'apathie, qu'ils ne sont pas en train de faire le travail, comment est-ce que dans une telle situation, aucune institution de justice, d'enquête indépendante ne s'auto-saisissent pas dans cette situation. Nous voulons des rapports un peu indépendants, censés être indépendants. Ou indépendants. Même les parlementaires, où êtes-vous? Initiez des commissions d'enquête. Commencez à enquêter sur l'affaire. Vous pointez du doigt le nom. Commencez à enquêter sur l'affaire. Au nom du citoyen burundais. On vous paie pour ça, honorable Maraïka. On vous paie pour ça. Initiez des commissions parlementaires à enquêter. Donnez votre rapport. Ça peut instruire, ça peut donner des orientations. Cette petite question. Donc, est-ce que vous pouvez vous saisir de cette situation, honorable parti de Malaïka, pour le CC? Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 8 commissions permanentes. Parmi ces commissions, il y a la commission chargée de la bonne gouvernance. Là, est-ce qu'elle peut se saisir de cette question? Oui, c'est ça. Ça se trouve dans leur mission. Dans leur mission. Mais je ne peux pas décider pour. Sinon, vraiment, au niveau de l'Assemblée nationale, vous savez que toute ratification passe par l'institution et on vote les lois pour l'intérêt de la population. Si les autres pouvoirs, la justice ou l'exécutif, travaillaient collectivement comme le législatif, en tout cas dans ce pays, on aurait moins de problèmes. En tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, là, on vous garantit, on travaille correctement. Et même dans les délais, avec qualité. Est-ce que vous auriez un mot à dire là-dessus, Francis Lohero? Bon, je posais au départ la question de savoir comment recouvrer les 54 milliards de francs burundais qui auraient été perdus. D'abord, pour ce projet. Il y a le fait que j'approuve d'abord ce qu'ils ont dit, c'est tout à fait normal. Et les sociétés qui ont exécuté les travaux, c'est des sociétés qui existent encore aujourd'hui. Le gouvernement du Burundi sait où les trouver. C'est des sociétés de droit étranger, canadiens et chinois, par exemple. Il y a aussi d'autres, peut-être, sous-traitants sur le territoire burundais qui ont participé à ces exécutions. Je crois que le gouvernement du Burundi a toute la possibilité, tous les droits pour pouvoir poursuivre les gens qui ont exécuté ces travaux. Donc, qu'on ne reste pas seulement dans les accusations, mais que la justice fonctionne. Comme ils l'ont dit, les institutions sont là. Il faut, pour l'instant, qu'on se pose des questions. Est-ce que les individus qui sont là-dedans sont capables vraiment de représenter ces institutions avec brio? Il y a aussi la question des assurances. Ces travaux ne se passent pas seulement de façon entre individus. Pour exécuter ce genre de travaux au niveau international et ailleurs, il y a des assurances. Je crois que le cas échéant, à la limite, il faudrait voir comment les sociétés qui ont assuré ces travaux, qu'ils puissent faire quelque chose pour que le Burundi recouvre le peu qui puisse être possible. Sinon, si je reviens sur ce que l'honorable vient de dire, c'est vrai qu'ils font le travail. J'aurais aimé qu'ils répondent à la question de Faustin. Saisissez-vous, ils travaillent bien dans les limites de ce qui est possible. Peut-être qu'ils sont dans les bureaux, ils se donnent de la parole. Pour l'instant, ce que je voudrais, c'est qu'ils se saisissent parce que ça fait 18 mois bientôt. On aura 18 mois avec le nouveau pouvoir qui est en place. Et je rappelle que le président s'est vraiment plaint sur beaucoup de sujets à propos et on ne sait pas où ça arrive. Et je ne sais même pas si ce débat ne vient clôturer cette nouvelle, si je l'appelle nouvelle, qui demain va être remplacée par une autre. Et on va enregistrer régulièrement des nouvelles, des cas qui ne fonctionnent pas. On se plaint, on échange sur les réseaux sociaux, tout le monde parle, mais à la fin, ça finit. Et c'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, ne soyons pas détournés par ceux qui ont fait que ça aille mal. Regardons plutôt vers l'avant. Il faut qu'on se pose des questions. Comment faire en sorte que cette situation soit redressée? Et le premier Burundais comptable dans ce sens, c'est le président, parce que c'est son programme qui est en train d'être exécuté, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il prévoit pour l'avenir? Et nous, tous, en tant que Burundais, qu'est-ce que nous devons faire pour essayer de soutenir pour que ça aille mieux? On ne devrait pas seulement rester à pleurer, à verser des larmes par rapport à la situation. Parce qu'on est en train de s'habituer petit à petit à pleurer devant des situations qui nous concernent tous. Bon, la question ne peut pas rester en pointillé, comme on insiste. En fait, au niveau de l'Assemblée nationale, je vous disais qu'il y a des commissions permanentes. Alors, en cas de besoin, il y a des descentes qu'on fait sur le terrain, par les commissions. On constate, on fait des propos, on relève les différents problèmes et puis on appelle le ministre en charge de ce domaine à l'hémicycle et puis on pose les questions qu'on appelle questions orales avec débat. Est-ce que pour ce cas présent du barrage hydroélectrique de Manda, est-ce que vous pouvez, en tant que député, y aller après cette visite du président de la République? On a connu le problème après le passage du président de la République sur le terrain. C'était le 15 octobre. Donc, ça fait 2 semaines presque. Donc, vous comprenez que c'est très récent. Et je pense que quand on va terminer les vacances parlementaires, la commission pourra se pencher sur la question très, très cruciale. Parce que vous, dans un financement où il y a 18 milliards de francs burundais, du budget de l'État, c'est pas vraiment petit. Une petite question pour tout le monde. Est-ce que les travaux sont à reprendre à zéro? Je ne sais pas si... Est-ce qu'ils sont à reprendre à zéro et avec quelles assurances que la même situation ne va pas se reproduire? Je ne sais pas si je vais toujours commencer par vous. Bon, merci effectivement de la question. Moi aussi, je reste toujours pessimiste. Je reste toujours pessimiste. À voir les photos, je pense qu'on va devoir reprendre à zéro. Alors, même quand on va commencer à zéro, est-ce qu'on va respecter les délais? Parce qu'on voit des projets qu'on entame qui dépassent la plupart des fois les délais. Est-ce qu'on va, même si on va garder la même enveloppe, Est-ce que la même enveloppe, ce n'est peut-être pas possible parce que... C'est d'ailleurs impossible d'avoir le coût des matériaux sur le terrain, le prix des devises, etc. Et ça, c'est aussi un autre problème. Reprendre à zéro ou non, On ne pourrait pas s'aventurer à dire qu'on va reprendre à zéro ou à combien pour cent. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait un audit aujourd'hui. Et le gouvernement doit le faire. On ne doit pas se contenter seulement de ce que quelqu'un a vu. On peut essayer d'analyser tout le côté visible d'un iceberg sans savoir ce qui se cache derrière et sous l'eau. Je crois qu'il faut un audit du gouvernement qui doit donner la situation réelle, une situation économique, pas seulement une situation médiatique. On a besoin d'une situation économique. Savoir ce qui a été fait, parce que qu'est-ce qu'on a vu sur les photos? On a vu des maisons d'habitation qui étaient fissurées. On ne sait pas s'ils avaient déjà commencé à construire le barrage en question. On n'a pas vu les vallées et tout ce qui se passe là-dedans. Donc, je ne pourrais pas dire que le barrage, pour moi, il ne se résout pas seulement à ces quelques maisons qu'on a vues, des maisons d'habitation. Donc, il faut un audit qui nous donne une situation réelle. Et sur cet audit, des spécialistes qui doivent y travailler et soutenus par les institutions, si réellement ces institutions veulent soutenir leur président, notre président, ensemble. S'il est fâché aujourd'hui, il faut qu'on nous le présente dans 3 mois ou dans 6 mois, souriant, disant que quelque chose a été fait. C'est le même point de vue ou quelque chose à ajouter, Monsieur Faustin Nikoumana, de Parsem? Quelque chose à ajouter d'abord. Il faut qu'on ait des informations suffisantes genre, par rapport à cela. D'abord, au niveau du budget national. Vous savez, le budget, si on analyse les dépenses, le 7, c'est autour de 1 700 milliards de francs. Je dois vous dire qu'environ 80% des dépenses de ces 1 700 milliards, ce sont les marchés publics. Environ 78-80% des dépenses, ce sont les marchés publics. Donc ça veut dire que le secteur des marchés publics, s'il n'est pas bien organisé... Donc c'est beaucoup plus de 1 000 milliards qui passent à travers les marchés publics. Donc, les passations de construction d'écoles, les barrages, les hôpitaux. Et le barrage hydroélectrique de Manda, c'est un seul marché public. Oui, ça, c'est un seul marché. Moi, je dis, globalement, vous voyez que si le secteur du marché public, s'il n'est pas vraiment bien organisé, si le gouvernement ne fait pas attention, le pays ne peut jamais bouger en matière de développement économique. Ça serait impossible. Parce que c'est à travers le marché public qu'on concrétise tous les travaux de développement. Alors, la loi, elle est là, le code des marchés publics. Malheureusement, ce qui m'écœure, ce qui me répugne, c'est qu'il y a tendance toujours, au niveau des gens de l'exécutif, de se passer des contrôles de certaines institutions, et surtout les institutions comme la Direction nationale des marchés publics. J'ai vu très récemment des ordonnances ministérielles qui pouvaient, par exemple, augmenter le seuil de non-contrôle a priori par la Direction des marchés publics, surtout au niveau des marchés publics passés de surtout dans les communes. On allait même jusqu'à 100 milliards, plutôt 100 millions, 100 millions de francs. Imaginez une commune lui donner le pouvoir d'organiser un marché de 100 millions sans qu'il y ait un contrôle a priori de la Direction nationale des marchés publics. Que la Direction nationale des marchés publics va intervenir a posteriori, après coup. On a augmenté ces seuils, pour moi, est vraiment une sorte d'augmentation de la mauvaise gestion. La commune, donc, on veut surtout enlever tous les éléments qui contrôlent, qui sont là pour avoir un œil vigilant par rapport à l'exécution de tous ces travaux. Monsieur Foster. Oui, je dois dire que, alors, dans cette situation, si le président veut faire quelque chose, réformer le secteur des marchés publics. Et c'est ce que j'allais peut-être dire. Réformer le secteur des marchés publics. Parce que. Prendre toutes les mesures conséquentes. Il y a Francis qui veut. On ne devrait pas dire que les marchés publics ne doivent pas être décentralisés. La question revient plutôt, c'est la question de la bonne gouvernance. C'est parce qu'une commune peut le faire. 100 millions, ce n'est pas quelque chose de très important par rapport à une commune. Le problème, c'est quels sont les individus qui vont le faire. Parce que ce qu'on va faire dans la commune, même la direction des marchés publics. Est-ce que vous allez dire qu'il y a manque d'individus qui sont capables voilà, de le faire. La question devrait être à son niveau. Parce que pour moi, je crois que la décentralisation est une bonne chose. Mais il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que les Burundais que nous sommes, est-ce que nous sommes capables d'assurer les Burundais qu'on va le faire avec aisance au niveau de la gestion? Qu'on le fasse sans tromper le peuple burundais. Parce que la question est là. Sinon, on ne peut pas dire que tous les marchés publics se fassent au niveau de la direction quelque part. Parce que même là aussi, on trouve qu'il y a des problèmes. Donc, la question, ce n'est pas qu'on ne décentralise pas. Au contraire, c'est qu'on regarde les individus qui vont le faire. Même au niveau de la commune, même au niveau d'une colline, il suffit qu'il y ait des personnes capables de le faire, des personnes qui ont un statut, ce que je dirais peut-être autrement, la qualité de leur Ubuntu pour pouvoir réaliser ces choses sans qu'on craigne qu'ils vont détourner cet argent. On ne serait pas contre cette décentralisation, c'est le clin d'œil que je fais à monsieur Francis. La décentralisation, tout le monde soutient. Mais une décentralisation qui n'est pas suivie de mesures d'accompagnement au niveau des ressources humaines disponibles à la commune, la capacité de gestion à la commune, vous bombardez 100 millions à la commune, une commune qui ne peut même pas collecter. Résumez-vous, monsieur Faustin, nous sommes en train de parler du barrage hydroélectrique de Manda. Et il y a le temps qui presse, nous tendons vers la fin de l'émission. Un appel que vous pourriez lancer en tant que directeur national de cette ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Un appel que vous pourriez lancer aux uns et aux autres parmi les personnalités concernées, parce que, quoi qu'il en soit, les contrats devraient être respectés par toutes les parties pour l'intérêt du citoyen et de la nation. Un appel pour que vous pourriez lancer. Pour moi, l'appel, je la lance aux institutions nationales. Et une multinationale qui vient dans un pays, il trouve que la corruption a pignon sur rue. Elle trouve une faiblesse institutionnelle. C'est de bonne guerre de commencer à faire des tripatouillages. Est-ce que vraiment, quel amour peut avoir une multinationale de droit canadienne et pour notre pays? Quel amour une multinationale chinoise peut avoir pour notre pays? Il vient, si vous êtes plus ancré à la mauvaise gestion, il peut vous corrompre et vous partir. L'appel doit être lancé aux institutions nationales. Le président de la République doit prendre sa responsabilité. D'abord, au niveau des lois, réformer le secteur des marchés publics. Le réformer avec des lois efficaces et efficientes et donner le pouvoir à ces institutions. L'institution, alors, c'est au niveau de la loi qui la régit, le cadre légal dans lequel la dite institution fonctionne. Il y a les hommes qui doivent occuper les postes. La valeur d'une institution, finalement, c'est la valeur des hommes qui incarnent l'institution. Quel que soit le texte, la valeur d'une institution, je le répète, c'est la valeur des gens qui incarnent l'institution. Alors, il y a l'indépendance de ces institutions par rapport à l'exécutif. Parce que l'exécutif, le pouvoir exécutif, il gère. Mais il y a des institutions indépendantes qui ne sont pas dans la gestion, qui doivent jouer justement leur rôle pour faire des investigations. Au début, vous avez parlé d'institutions indépendantes. Indépendantes pour faire le travail avec des moyens justement requis au niveau des ressources humaines, financières et un soutien politique évident. Pour que le rapport aussi ne tombe pas lettre morte. Mais si le gouvernement constate une telle vire au niveau de ses travaux, il ne faut pas que ce soit une affaire du gouvernement seulement. Le ministre fait un rapport, il transmet au président de la République, c'est géré aussi le pouvoir exécutif. Ce n'est pas du tout vrai. Honorable Pamphile Malaïka, il faut, comme l'a dit Faustin tout à l'heure, vous devriez vous saisir de cette question. Parlez-moi aussi, comme je l'ai dit. Mais un appel aux institutions, aux personnalités concernées. Bon, j'avais déjà répondu à la question de l'autosaisine. L'Assemblée est là pour poursuivre les questions d'intérêt de la population. Mm-hmm. En tout cas, je pense qu'on pourra trouver une solution. Alors, premièrement, il faut revoir les lois. Les lacunes qui se trouvent dans les lois. Mm-hmm. Ça, c'est primordial. Comme un parlementaire, il faut revoir toutes les lacunes qui se trouvent dans les lois. Deuxièmement, il faut faire fonctionner les institutions. Et là, je reviens sur ce que Fossé venait de dire concernant la réforme des marchés publics. Mais des efforts ont été faits par le gouvernement parce que vous vous souvenez qu'on a déjà revu la loi. Il y a une loi de janvier 2018 qui a modifié la loi de février 2008 portant code des marchés publics. C'est là où on a instauré l'autorité des marchés publics. Ça, ce sont des réformes. Mais le problème, c'est toujours les hommes. Les hommes. Vraiment, c'est un accent particulier qu'il faut mettre. Ceux qui les punissent. Oui, c'est ça. Alors, au niveau des travaux, là, il faut respecter scrupuleusement les contrats, les délais, le coût et la qualité. Je peux donner un exemple. Par exemple, il y a un projet en rapport avec la PLD AIGL. Donc, c'est un projet régional de développement agricole intégré dans les grands lacs. Donc, c'est un projet qu'on a commencé en 2015, en 2017, qui devrait terminer en 2022. Il y a par exemple un pont qu'on devrait construire qui relie Buganda et la RDC. Il ne reste qu'une année. Quand est-ce qu'on va construire ce pont? Ça, c'est un exemple de contrats qui ne sont pas respectés. L'électrification rurale. Les travaux devraient donc terminer en 2022. En 2022. C'est loin. Il reste une année. Où est le pont? Où c'est le préparatif? L'électrification rurale de Kirundo. Le projet devrait avoir pris fin en 2018. Mais pour le moment, on n'a pas encore terminé. Ce sont des cas de hic qu'on observe. Alors, il faut respecter les clauses de contrat, les délais et la qualité des travaux. Ça, c'est aussi une contribution. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on va terminer. Monsieur Francis Lohiro. Je dirais, à ce qu'ils ont dit, ce serait bien. Le cadre légal, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Mais je dirais, on est en politique. Il y a toujours eu peut-être un cadre légal qui favorise les bonnes choses. Mais comme on a dit, les individus. Et là, au lieu de le dire au pluriel, je parle d'un individu et c'est le président. Nous sommes en train de débattre par rapport à quelque chose qu'il lui-même il a dit. Il faut qu'il s'entoure de personnes en qui il a confiance. Je n'aimerais pas que dans quelques mois, on revienne à la case de départ. Il faudrait qu'il s'entoure par des personnes en qui il a confiance. Et le Burundi attend parce que c'est temps, c'est demain. C'est son mandat qui est en train d'être gagné. On ne pourra pas avoir, je dirais, un rapport du président chaque fois qu'il ira devant les médias, qu'on sache ce qui va se faire. Comme il vient de dire, il y a un point, il y a ceci. Le programme du président, le programme de son parti, le programme du gouvernement actuellement, c'est lui qui l'incarne. Il faut qu'il sache ce qu'il doit en faire. Moi, je peux juste faire des critiques positives ou négatives, mais en réalité, la solution, c'est lui qui doit prendre des décisions utiles. Merci. Merci Francis Lohiro. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes économiste de formation. Vous avez été candidat à la présidentielle de 2020. Merci d'être venu. Merci pour votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci à vous. Merci Faustin Dikoumana. Vous êtes économiste de formation également. Mais aussi vous êtes directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci de votre contribution. Et ma dernière phrase, je dirais qu'actuellement la corruption au Burundi est devenue systémique. Il faut que le président de la République attaque le taureau par les cornes. Merci honorable Pamphile Malaïka. Je rappelle que vous êtes ingénieur de formation, ingénieur civil, député de l'Assemblée nationale. Merci pour votre contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie, tout en disant que j'ai travaillé beaucoup dans des missions de surveillance et de contrôle des travaux. Quand il y a des malfaçons, normalement ce sont les missions de contrôle et de surveillance des travaux qui qui travaillent mal. Merci. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur l'attribution et exécution des marchés publics avec un accent particulier sur les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Manda en province de Bubanza. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Merci également à Alain Désiré Boukéneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.